ce que tu me donnes. Je sais que la nuit sera bonne. Avec toi, rien ne m'étonne. Fais-moi des choses, vas-y, mets la dose. Ne changeons pas de pose. Rassure-toi, la porte est close. Ne te retiens pas. Dis-moi des mots avec tes doigts sur ma peau. Baby, explore-moi de bas en haut. Je veux que ce moment soit le plus beau. Je prends tout ce que tu me donnes. Fais-moi des choses.